Musique ? Quoi, musique ? Ton ami veut de la musique. Branche la guitare. Branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf ! Quelqu'un de tout à fond, je vous fais chier à laisser vos merdes. Je sais pas que ça va. Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Cool, tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité. Bienvenue à toutes et tous dans les Générations Rock, une émission de Radio Fadjet, vous proposant un flashback musical avec des titres publiés entre 1960 et 2010. Au programme ce soir, entre autres classic rock, punk 77, fusion, indie rock 90s et folk, le tout comme d'habitude avec un mélange de groupes connus et d'autres moins. On a attaqué avec AC/DC et Rock'n'Roll Damnation, paru sur l'album Power Age en 78. Opus enregistré rapidement, certains titres étant même composés au studio. À leur début scénique en 73, le manager du groupe leur propose d'être costumé à l'image des groupes glam anglais, Angus Young portant lui son célèbre uniforme d'écolier. Rapidement, le groupe abandonna ses tenues vestimentaires ridicules, se présentant sur scène habillé comme au quotidien. On reste dans le rock, sentant la sueur et l'alcool, avec les Georgia Satellites, issus d'Atlanta. On va écouter Over and Over, issu de leur deuxième album sorti en 86 et enregistré dans les conditions d'un live. avec son rock efficace et sincère. À contre-courant du glam metal dominant à l'époque, les Georgia Satellite vont rencontrer le succès aux États-Unis, se séparant ensuite après deux nouveaux albums. Across the street, 'cause you're precious. Moving through the Cleveland heat, how precious. You're taking that and all the kicks are so precious. You know I was shitting bricks, 'cause I precious. Made me wanna. It made me make it. He skipped the Fifth and Euclid Avenue. Was real precious. Hotel still ain't coming into view. How precious. It's a pity that you bruised my hip, 'cause I'm precious. You shouldn't let your manners slip. You're too precious. And Mr. Stress both stayed precious. Trapped in a world that they never made. But not me, baby, I'm too precious. Had to fuck off. They made me wanna. They made me wanna. They made me make it. Oh, it's so mean. The Pretenders avec Precious, qui est sorti en 1980 et qui a atteint les premières places des charts. Mais avant ce succès, Chrissy Hynde, la chanteuse et fondatrice du groupe, a bien galéré. Née aux États-Unis, elle débarque à Londres à 22 ans, en 1973, sans un sou en poche. Pigiste un temps pour le NME, puis vendeuse dans la boutique Sex de Vivienne Westwood et de Malcolm McLaren, futur manager des Sex Pistols. Chrissy se drogue, vit de petits boulots et squatte à droite et à gauche. Musicalement, elle traîne dans la scène rock de la ville où est en train de germer le punk. Elle participe à différentes formations éphémères et fera un séjour à Paris avec un groupe français. C'est en 78 qu'un producteur croit en elle et l'aide à fonder un groupe durable, puis ce sera la signature sur la major WEA, et peu de temps avant la sortie du premier single, elle nomme sa formation The Pretenders, qui au final sortira 12 albums, dont le dernier en 2023. Puisque l'on évoquait leur manager, parlons des Sex Pistols, reformés pour une tournée, mais sans John Lydon, alias Johnny Rotten, remplacé derrière le micro par Frank Carter. Lydon est fâché avec ses ex-camarades suite à la série Pistols, jugeant qu'elle ne reflétait pas sa véritable image. Il a commenté ses futurs concerts en ces termes « C'est moi qui ai écrit ces putains de chansons, j'étais le leader. Ces concerts, ça sera du karaoké. » Okay. The Ruts avec S.U.S., leur unique album The Crack, sorti en 1979. Un seul opus pour ce groupe prometteur, car leur chanteur Malcolm Owen décédera d'overdose l'année suivante. On reste en 79, en prenant la direction de Derry, ville nord-irlandaise. Comme dans toute la région, l'armée anglaise quadrille la ville, histoire de maintenir l'Union Jack face aux indépendantistes de l'IRA, qui réplique par les attentats sanglants. Dans cette grisaille émergent les Undertones qui, avec leur premier album éponyme, vont offrir une bouffée d'air, une vitalité, une réjouissance et des refrains que l'on fredonne, même en dehors de la douche. Leurs chansons sont un croisement entre un punk nerveux et une pop mélodique. Un de leurs grands fans fut le célèbre animateur de la BBC, John Peel, qui fit mettre en épitaphe sur sa tombe une phrase issue du texte de leur incroyable chanson « Teenage Kicks ». Nous avons déjà diffusé dans l'émission ce morceau, alors ce soir, je vous propose Jimmy Jimmy. Small, he did. I find out that it's a habit that sticks on your orgasm addict. Your orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on the jeans. And your orgasm addict. Your orgasm addict. You're getting assault, but you still keep a beat and you meet to pulp. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're Kiki Casanova, you're no Joseph. It's a live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. Christmas cakes, butcher's assistants and bellhops. You found them all here and there. Children of God and the joy strings. International women with no money hair. Ooh, so well you're asking in an alley and your voice ain't steady. The sex mechanics are off, you're more than ready. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Johnny one funky always and always. He's got the energy, he will amaze. He's an orgasm addict. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasm addict. He's an orgasm addict. Buzzcock, groupe mancunien avec Orgasm Addict, leur premier single paru en 77. Formé après avoir vu les Sex Pistols sur scène, Buzzcock ont pour objectif de jouer la pop anglaise des années 60 dans un style punk avec des morceaux courts, rapides et incisifs. 1981, fin de l'aventure avant une reformation 8 ans plus tard. Depuis, le groupe ne cesse de tourner et a sorti quelques albums toujours dans l'esprit de leur début. Bien que leur créateur, chanteur et leader, Pete Shelley, soit décédé en 2018, Buzzcock est toujours en activité. Alors vous écoutez les Générations Rock sur Radio Fadjet, et Radio Fadjet a des places de concert à vous faire gagner pour le Jardin de Michel qui se tient à Toul du 29 au 31 mai, avec, si on cite par exemple trois grands noms, Tagada Jones, La Funky Family et Ultra Vomit. Tout sur le site du Jardin de Michel, vous aurez les informations. Et les places à gagner sur le site de Radio Fadjet dans la catégorie « Jeux ». On va durcir le ton maintenant avec le premier album de Rage Against the Machine qui fut une véritable bombe à fragmentation en 92. We'll be right back. dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams. Les Américains de Dog Eat Dog avec Who's the King sur leur premier album All Bros Kings, sorti en 94. Crossover énergique entre Roland de hardcore et rap avec des refrains accrocheurs permettront à cet album de connaître un certain succès. On attaque la seconde partie de l'émission qui va être plus calme. En 92, les Californiens de Swell s'invitent chez nous avec leur brillantissime second album Well. En effet, la production minimaliste donne l'impression que le groupe est venu enregistrer dans votre salon. La pochette est une photo floue, noir et blanc, d'une fête foraine semblant abandonnée. Le ton est donné. Soit elle chante l'amour, la déception ou encore la solitude dans une atmosphère envoûtante. La voix est sombre, sobre, souvent monocorde et lointaine. Le son de la batterie est brut, tout comme celui de la guitare électrique, venant inciser les chansons. C'est donc un album marquant dont on va déguster le titre At Long Last. and a sweetheart on parole. Parents named her Jupiter. Bless her with a lucky soul. He's a boy who never cries when they lock him up inside. And she nicknamed him her teardrop for the tattoo by his eye. Now she's sleeping in her bed. Sleeping in her bed. And it's Jupiter and teardrop. And it's Jupiter and teardrop. She divined by radio. Pushing buttons show to show. And she wonders about the fatal. Love is in the barrio. She forget out to rewind. Jupiter and teardrop. And it's Jupiter and teardrop. And it's Jupiter and teardrop. Walk together down the aisle. But the world they're living is mean, and it's built on sheer denial. And it's Jupiter and teardrop. Motley Buffalo avec Jupiter and Teardrops sur l'excellent album Fuzzy sorti en 93. La musique du groupe a été qualifiée de folk rock noisy. En effet, Grant Lee Phillips, son chanteur-guitariste, utilisait une guitare folk à 12 cordes montée avec un micro Rosas électrique, lui permettant de passer de sons clairs à des sons saturés. Il jouait aussi avec sa voix, capable de puissance mais aussi de fragilité touchante. À travers ces histoires, de l'album Fuzzy émane un désenchantement serein et une douce perte de l'innocence. On passe à Nino Ferrer et sa célèbre chanson Le Sud, symbole de la carrière post-60s de l'Italien, né en 1934. En 73, il enregistre l'album Nino and Radia, Radia étant une chanteuse américaine. L'album est totalement en anglais et s'ouvre par le titre The Surf, mais sa maison de disques n'accepte de sortir l'album que s'il est écrit une version française du morceau. Cela donnera Le Sud énorme succès, même si Nino n'est pas du tout satisfait de la production. L'album, lui, sera un flop commercial. Symbolique, je disais, car Nino Ferrer, avide d'indépendance musicale, était en même temps très frustré et amer de ne pas voir ses albums se vendre, souvent à cause d'un manque de promotion. À la fin de sa vie, il confia à un ami son désenchantement de voir que sur les 200 chansons qu'il avait composées, seuls 5 avaient rencontré du succès. Between the big trees, the flowers and the green grass, the house is there. It's white and brown and covered with green vine, which looks like hay. We call it the sun, 'cause time is so long there. Elisha will take us than a million years, and we like to stay there. So many children are playing in the garden, so many dogs. There is a cat and a turtle and a nowhere, but not a frog. We call it the sound, 'cause time is so long there. Yeah. are free in a robe of citadels. She feels the cup of dawn with the softest sounds of bells. Evangeline, Evangeline, how could they treat you like the lady who never was? She's a hurricane of rhymes, the seaborn poetess. She knows me so perfectly with care and politeness. And when her birds of prey withdraw in caves of ice, under a dull-lit sky, she warbles, oh, that's nice, Evangeline. Evangeline, how could they treat you like the lady who never was? She's a jigsaw inventor, fascinated with words, chain smoking alphabets and encapsulating worlds. She drives a cougar van against all civilian laws and squeezes mental pills in her metallic jaws. Evangeline, Evangeline, how could they treat you like a lady? Thank you. Evangeline de Johanna Charton sur l'album The Night for Home sorti en 92. Alors, après des débuts au sein d'un groupe garage punk, ce français redécouvre le folk et tombe dans ce style au milieu des années 80. Toujours en activité aujourd'hui à l'âge de 67 ans, Johanna Charton compte une vingtaine d'albums à son actif et même si certains ont été reconnus par la critique, son audience est restée minimaliste mais fidèle. Un de ses chanteurs préférés est Nick Drake. Cet Anglais a sorti entre 1969 et 1972 trois albums passés à l'époque complètement inaperçus. Il faut dire que l'homme, introverti, ne donne pas de concerts et peu d'interviews. Il devient un poète maudit en se donnant la mort en 1974. Mais dans les années 80, des artistes tels que Robert Smith de The Cure ou Peter Buck de R.E.M. citent en exemple Nick Drake. Ajoutez à cela l'utilisation de sa musique dans certains films et un spot publicitaire, et les disques de Nick Drake vont connaître une seconde vie, inscrivant l'artiste dans le patrimoine folk. On va écouter son morceau le plus connu, Pink Moon. I saw it written and I saw it say, c'était Nick Drake pour finir l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, merci de votre attention. Si vous avez pris l'émission en route, le podcast sera disponible sous 24 heures sur la page Les Générations Rock du site de Radio Fadjet, page sur laquelle vous pouvez aussi retrouver toutes les archives des émissions, ainsi que le lien Facebook. Après le top horaire, Agathe vous attend avec ses Y Girls pour du rock féminin, et à partir de 22h, une programmation 100% rock sur notre antenne. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Ciao, ciao !